kabisa kapo eko. Oh, Ben Badou, en direct de Ligabon Atalanta. Et Kalambay, en direct de succès, balance les casques pour oh. Iboso, Iboso, chap, disco, azonga sima, azonga sima, chap, disco, et commandez-la yo, commandez-la yo, chap, disco, gauche, à gauche, chap, disco, à droite. Oh,